Psaume 48. Cantique de psaume des enfants de Corée. L'Éternel est grand et fort louable en la ville de notre Dieu, en la montagne de sa sainteté. Le plus beau de la contrée, la joie de toute la terre, c'est la montagne de Sion, au fond de l'Aquilon, c'est la ville du grand roi. Dieu est connu en ses palais pour une autre traite. Car voici, les rois s'étaient donné assignation, ils avaient passé outre tous ensemble. L'ont-ils vu, ils en ont été aussitôt étonnés, ils ont été tout troublés, ils s'en sont fuis à l'étourdi. Là le tremblement les a saisis, et une douleur comme de celle qui enfante. Ils ont été chassés comme par le vent d'Orient, qui brise les navires de Tarsis. Comme nous l'avions entendu, ainsi l'avons-nous vu dans la ville de l'Éternel des armées, dans la ville de notre Dieu, laquelle Dieu maintiendra à toujours, c'est là, ô Dieu, nous avons entendu ta gratuité au milieu de ton temple. Ô Dieu, tel qu'est ton nom, telle est ta louange jusqu'au bout de la terre, ta droite est pleine de justice. La montagne de Sion se réjouira, et les filles de Juda auront de la joie, à cause de tes jugements. Environnez Sion et l'entourez, et comptez ses tours. Prenez bien garde à son avant-mur, et considérez ses palais, afin que vous le racontiez à la génération à venir. Car c'est le Dieu qui est notre Dieu à toujours et à perpétuité, il nous accompagnera jusqu'à la mort.